Psaume 69. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur ses animes. Délivrez-moi, ô Dieu, car les hommes me sont entrés jusque dans l'âme. Je suis enfoncé dans un bourbier profond, dans lequel il n'y a point où prendre pied, je suis entré au plus profond des eaux, et le fil des eaux se débordant, m'emporte. Je suis las de crier, mon gosier en est asséché, mes yeux sont consumés pendant que j'attends après mon Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause, passent en nombre les cheveux de ma tête, ceux qui tâchent à me ruiner, et qui me sont ennemis à tort, se sont renforcés, j'ai alors rendu ce que je n'avais point ravi, ô Dieu. Tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Ô Seigneur éternel des armées, que ceux qui se confient en toi, ne soient point rendus honteux à cause de moi, et que ceux qui te cherchent, ne soient point confus à cause de moi, ô Dieu d'Israël. Car pour l'amour de toi j'ai souffert l'opprobre, la honte a couvert mon visage. Je suis devenu étranger à mes frères, et un homme de dehors aux enfants de ma mère. Car le zèle de ta maison m'a rongé, et les outrages de ceux qui t'outrageaient, sont tombés sur moi. Et j'ai pleuré en jeûnant, mais cela m'a été tourné en opprobre. J'ai aussi pris un sac pour vêtements, mais je leur ai été un sujet de raillerie. Ceux qui sont assis à la porte, discourent de moi, et je sers de chanson aux ivrognes. Mais, pour moi, ma requête s'adresse à toi, ô Éternel. Il y a un temps de ton bon plaisir, ô Dieu, selon la grandeur de ta gratuité. Réponds-moi selon la vérité de ta délivrance. Délivre-moi du bourbier, et fais que je n'y enfonce point, que je sois délivré de ceux qui me haïssent, et des eaux profondes. Que le fil des eaux se débordant ne m'emporte point, et que le gouffre ne m'engloutisse point, et que le puits ne ferme point sa gueule sur moi. Éternel, exauce-moi, car ta gratuité est bonne, tourne ta face vers moi, selon la grandeur de tes compassions, et ne cache point ta face arrière de ton serviteur, car je suis en détresse, à toi, exauce-moi. Approche-toi de mon âme, rachète-la, délivre-moi à cause de mes ennemis. Tu connais toi-même mon opprobre, et ma honte et mon ignominie, tous mes ennemis sont devant toi. L'opprobre m'a déchiré le cœur, et je suis languissant, j'ai attendu que quelqu'un eût compassion de moi, mais il n'y en a point eu, et j'ai attendu des consolateurs, mais je n'en ai point trouvé. Ils m'ont, au contraire, donné du fiel pour mon repas, et dans ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre. Que leur table soit un fil étendu devant eux, et que ce qui tend à la prospérité, leur soit en piège. Que leurs yeux soient tellement obscurcis qu'ils ne puissent point voir, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répande ton indignation sur eux, et que l'ardeur de ta colère les saisisse. Que leur palais soit désolé, et qu'il n'y ait personne qui habite dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu avais frappé, et font leur compte de la douleur de ceux que tu avais blessés. Mets iniquité sur leur iniquité, et qu'ils n'entrent point en ta justice. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point écrits avec les justes. Mais, pour moi, qui suis affligé, et dans la douleur, ta délivrance, ô Dieu, m'élèvera en une autre traite. Je louerai le nom de Dieu par des cantiques, et je le magnifierai par une louange solennelle. Et cela plaira plus à l'Éternel qu'un taureau, plus qu'un veau qui a des cornes et l'ongle divisé. Les débonnaires le verront, et ils s'en réjouiront, et votre cœur vivra, le cœur, dis-je, de vous tous qui cherchez Dieu. Car l'Éternel exauce les misérables, et ne méprise point ses prisonniers. Que les cieux et la terre le louent, que la mer et tout ce qui se meurt en elle, le louent aussi. Car Dieu délivrera Sion, et bâtira les villes de Juda, on y habitera, et on la possédera. Et la postérité de ses serviteurs l'héritera, et ceux qui aiment son nom, demeureront en elle.